الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc le sujet annoncé concerne le terme التوحيد et sa présence dans le Coran et la Sunna. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé, que la meilleure annonce soit donc faite aux étrangers. Un hadith qui a notamment été recueilli par Muslim. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les signes de l'heure, la diminution du savoir et l'apparition de l'ignorance. Comme cela a été recueilli par Al-Bukhari et Muslim. À la vue de ces paroles prophétiques, il n'est pas surprenant de s'apercevoir qu'énormément de principes de base de cette noble religion soient, après 14 siècles écoulés, ignorés par bon nombre de musulmans. En effet, ceci n'est que confirmation de ce qu'avait annoncé par révélation d'Allah le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cas du monothéisme, at-tawhid. C'est le cas du monothéisme, at-tawhid. Ce principe pour lequel Allah a créé djinn et humain. Il a dit dans son livre: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Surat al-Dhariyat, verset 56. Ce noble principe auquel ont appelé l'ensemble des messagers. Allah a dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire: adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Surat al-Nahl, verset 36. C'est d'ailleurs ce à quoi a effectivement appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout au long de sa mission prophétique, comme en témoignent de nombreux récits recensés dans l'histoire de sa noble vie. Deux interrogations peuvent être alors soulevées. Que signifie réellement le terme at-tawhid? Deuxièmement, d'où provient ce mot? Est-il présent dans les textes du Coran, de la Sunna et dans les paroles des musulmans des premières générations de cette communauté? Ces points nécessitent certainement d'être clarifiés, malgré leur évidence, d'autant plus que certains individus tiennent des discours tendant à remettre en question des réalités pourtant clairement exposées dans les textes du Coran et de la Sunna à leur sujet. Nous tenterons de présenter cet exposé, et donc les réponses à ces questions-là, à travers les deux chapitres suivants. Premièrement, la définition du tawhid. Deuxièmement, l'origine de l'utilisation de ce terme. C'est certes Allah qui prodigue la réussite et c'est en lui qu'on s'en remet entièrement. Et effectivement, donc ces points, ils doivent être abordés, exposés, clarifiés malgré leur clarté, malgré leur évidence. Car comme souligné précédemment, certains individus à notre époque tiennent des discours tendant à remettre en question des réalités pourtant clairement exposées dans les textes du Coran et de la Sunna. On a parlé, concernant le premier point, de la signification de ce terme at-tawhid. La signification de ce terme, elle est évidente. Comme vous allez vous en rendre compte, si Allah Azza wa Jal le permet. Mais on en arrive à notre époque à déplorer que certains individus en viennent à en remettre en question la légitimité de l'utilisation de ce terme en lui attribuant une signification dont il est totalement innocent. Alors que personne parmi les anciens de cette communauté, parmi les ulama de cette communauté, parmi les imams de cette communauté, voire même parmi les gens ordinaires de cette communauté qui comprennent un minimum la langue arabe, n'ont compris cette chose-là. On pourrait même dire que parmi les ennemis de l'islam et de la sunna, certaines allégations que l'on trouve à notre époque ne leur sont même pas passées par l'esprit. Et tu trouves qu'à notre époque, des gens en viennent à tenir des discours qui témoignent de leur ignorance de la langue arabe, de leur ignorance de la religion, voire même parfois de leur malhonnêteté. Et il est un principe qui dit que plus le mensonge est gros, et plus il passe. Et beaucoup de gens donc en arrivent à ça. Concernant notre sujet, tu trouves des gens qui en viennent à dire qu'il n'est pas correct d'utiliser le terme at-tawhid en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'en arabe, le terme tawhid ne vise que des choses éparpillées. Et qu'on ne peut donc pas utiliser ce terme-là en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il est unique. Et qu'il n'a pas besoin qu'on l'unifie. D'autres personnes en viennent à dire que ce terme-là est absent des textes du Coran et de la Sunna, que c'est une invention, que c'est une hérésie. Et ce genre de discours est honté, est d'autant plus tenu dans des pays, dans des contrées, dans lesquelles les gens n'ont pas accès à la langue arabe. Ça me rappelle un peu cette personne qui a dit à un de ses adeptes qu'il est méritoire de fêter la naissance du prophète alayhi salat wa salam. Puis ce jeune adepte a été confronté au discours des adeptes de la sunna qui disent qu'en réalité c'est une hérésie et que c'est une innovation en matière de religion et que ce n'est pas permis et légitime. Puis il est retourné voir son maître qui lui a dit, si tu peux trouver la preuve, si tu vas dans Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba ou de Abd al-Razzaq, un des deux, j'ai oublié. Peu importe lequel des deux Musannaf a été cité, c'est un ouvrage de plusieurs tomes, de plusieurs volumes. En quelque sorte, il lui a dit, va chercher. Et même si ensuite il vient et il lui dit, je n'ai pas trouvé, il va te dire, t'as pas bien cherché. Et ce jeune adepte a été amené donc à discuter avec un des cheikhs de la sunna qui lui a répondu « Al-Musannaf, je ne l'ai pas lu une fois, ni deux, ni trois fois. Et je peux t'assurer que ce récit que t'as cité ton maître ne s'y trouve pas. » Mais bien souvent, comme on l'a dit précédemment, ça rejoint toujours cette chose-là, le fait que certaines personnes opportunistes utilise la naïveté et la crédulité de certaines personnes. Et il en est de même concernant ce genre de sujet-là. Ils en viennent à dire, le mot tawhid n'existe pas. Parce qu'ils savent qu'en face d'eux, ils ont un public qui, même s'ils voulaient chercher, n'aurait pas la capacité de le faire. Qui ne comprend pas un traître mot de la langue arabe. Et qui ne connaît même pas les références de sa religion. Et à partir de là, donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et plus le mensonge est gros, plus il passe, malheureusement. Pour cela qu'il est parfois nécessaire de venir exposer des choses qui pourtant sont claires. Donc on annonçait que pour exposer, premièrement la définition, pour répondre à ces questions-là, que signifie réellement le terme tawhid? Deuxièmement, d'où provient ce mot? Est-il présent des textes du Coran et de la Sunna? Dans les paroles des musulmans des premières générations de cette communauté, on va aborder deux points principaux. Le premier, la définition du tawhid. Le terme al-tawhid, d'un point de vue purement linguistique, est le substantif, al-masdar, du verbe arabe, wahada, yuwahidu, qui signifie unifier. Nous dirons, à titre d'exemple, un tel a unifié, wahada, telle tribu, dans le sens où il a mis fin à leur divergence et querelle, et les a rendus unis. La base de ce verbe se retrouve dans les trois lettres waw, ha et dal. Ibn Faris, grand linguiste du 4e siècle de l'Égypte, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Mu'jam Maqayis al-Lugha, wahada, les lettres waw, ha et dal constitue une base commune qui contient une notion d'unicité. Qui contient une notion d'unicité. Fin de citation. Al-Fayrouz Abadi, grand linguiste du 8e siècle de l'Égypte, est décédé au début du 9e, en l'an 817, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à propos de la forme transitive de ce verbe, وَحَدَهُ تَوْحِيدًا signifie « il l'a rendu unique ». Donc la base, comme on l'a vu à travers la parole d'Ibn Faris, elle contient une notion d'unicité. La forme transitive du verbe signifie donc « rendre unique », comme on le trouve donc dans « Al-Qamus al-Muhit » Al-Fayrouz Abadi. Lorsque nous utilisons, donc fin de citation, lorsque nous utilisons le terme at-tawhid dans un contexte religieux, on en a abordé donc le sens linguistique. Lorsque nous utilisons le terme at-tawhid dans un contexte religieux, plus particulièrement celui du dogme et de la croyance en Allah, nous visons l'affirmation de l'unicité d'Allah dans les trois domaines suivants. Premièrement, sa seigneurie souveraine, al-rububiyya. Ce qui consiste à avoir la ferme conviction qu'Allah est le seul à créer, à donner la vie, la mort, à octroyer la subsistance et à diriger de manière absolue l'ensemble de sa création. Deuxièmement, son droit d'être adoré, en ne vouant toutes les sortes d'adorations qu'à lui, telles que la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, mais aussi l'invocation, la crainte pieuse, la peur, l'espoir, la demande d'aide, la demande de pardon, la confiance absolue, ou encore le sacrifice et autres types d'adoration qui doivent toutes n'être vouées qu'à Allah. Azza wa Jal. Troisièmement, ses noms et attributs de perfection. Al-Asma wa Sifat. Ce qui consiste à affirmer les noms et attributs d'Allah, qu'il a lui-même affirmé dans le Coran, ou par la bouche de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sans négation, ni altération, ni assimilation à la créature, ni recherche du commun. Et je vous renvoie concernant donc cette catégorisation du monothéisme du tawhid vers plusieurs références telles que Al-Ibana Al-Kubra d'Ibn Battah, ainsi que vers les ouvrages de manière générale des cheikhs de l'islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim et Muhammad Ibn Abdel Wahhab, mais aussi vers le commentaire d'Al-Tahawiyya d'Ibn Abil Izz Al-Hanafi, ou encore vers la Wami' al-Amwar al-Bahiyya de l'érudit As-Saffarini. On se sera donc certainement rendu compte et on aura certainement compris le sens visé par l'utilisation du terme at-tawhid, que l'on peut traduire selon le contexte par les termes et expressions monothéisme, adoration exclusive, affirmation de l'unicité, etc. Le terme at-tawhid, selon le contexte, on peut être amené à le traduire de différentes manières pour l'adapter donc au contexte. Parfois on peut dire monothéisme, adoration exclusive ou encore affirmation de l'unicité. Bien sûr, quand on parle de monothéisme, on parle de monothéisme selon la conception islamiquement correcte et pas selon la conception des chrétiens qui confinent le monothéisme au domaine de la seigneurie et au seul fait de reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et son unicité dans la seigneurie. Conception que l'on retrouve également chez certains courants déviants se réclamant de l'islam tout en s'étant éloigné de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On aura également certainement saisi le caractère erroné des propos de ceux qui avancent que l'utilisation de ce mot ne conviendrait pas à Allah. En effet, selon eux, il ne concerne que les choses éparpillées. Et du fait qu'Allah est en soi unique, il n'y aurait pas lieu de l'unifier. Or, nous avons pu exposer brièvement que l'utilisation de ce terme n'a aucun lien avec ces conceptions blasphématoires. L'imam Qawam al-Sunna al-Asbahani, décédé en 535 de l'Égypte, qui est donc un grand savant du 5e siècle, qui est décédé durant la première partie du 6e, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Al-Hujja fi bayan al-mahajja, les Arabes disent, c'est-à-dire en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, wahidun, ahadun, wahidun, et wahidun, ce qui signifie unique. Allah est donc unique, dans le sens où il est exempté d'ego en toutes circonstances. Ainsi, lorsqu'ils disent, j'ai unifié Allah, wahadtullah, c'est similaire à leur parole, j'ai immensifié Allah, azzamtullah, et j'ai rendu supérieur Allah, kabbartullah, dans le sens où j'ai su qu'il est immense et supérieur. De la même manière que j'ai unifié Allah, signifie j'ai su qu'il est unique, exempté d'égal dans son être et ses attributs. Ce texte, fin de citation, ce texte contient une réponse claire à ceux qui avancent les prétentions précédemment évoquées. Qui pourrait dire qu'immensifier, at-ta'zim, ou rendre supérieur, at-takbir, ne concernerait que les choses qui ne sont ni immenses ni supérieures, et que pire encore, le fait d'utiliser ces termes en évoquant Allah impliquerait de considérer qu'il ne serait supérieur et immense qu'à partir du moment où on en attesterait. Nous pouvons d'ailleurs en dire autant de la purification, at-tasbih, qui consiste à attester qu'Allah est exempt de tout défaut. Dirait-on que l'ensemble des musulmans blasphémeraient au quotidien en utilisant ces expressions-là, que ce soit à travers leurs œuvres culturelles ou leurs discussions, en disant notamment Allahu Akbar, quand on parle de at-takbir. At-takbir, littéralement ça signifie quoi? Ça veut dire rendre supérieure une chose ou grandir une chose. Linguistiquement parlant, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit at-takbir, ça veut dire le fait de dire Allahu Akbar, ce qui signifie Allah est le plus grand. Tu attestes cette chose-là, tu as su avec conviction cette chose-là. De même que quand tu dis Subhana Rabbi al-Azim. Notamment dans ton inclination pendant la prière. Littéralement, on appelle ça du ta'zim. Littéralement, tu es en train d'immensifier Allah. Ce qui ne signifie pas que c'est toi qui es en train de le rendre immense. Qu'Allah nous protège de ce genre de conception-là. Mais cela signifie que tu proclames son immensité. De même que quand tu dis Subhanallah, tu proclames sa pureté. Et c'est ce qu'on appelle du tasbih. Ce n'est pas toi qui le purifie et qui l'exempte de tout défaut, si ce n'est que tu attestes et que tu proclames cette chose-là. Si ce n'est que tu attestes et que tu proclames cette chose-là. Après ce premier point, on en arrive à l'origine de l'utilisation de ce terme. D'où provient le terme at-tawhid? Est-il présent dans les textes du Coran, de la Sunna et dans les paroles des anciens, des premières générations de cette communauté? Nous y répondrons en demandant l'aide d'Allah Azza wa Jal et en disant plusieurs textes coraniques font mention de la racine wahada, avec le waou, le ha et le dal. Vous vous souvenez qu'on a parlé de cette racine-là en évoquant la parole d'Ibn Faris qui disait que c'est là une base commune qui contient donc une notion d'unicité. Donc plusieurs textes coraniques font mention de la racine wahada à propos d'Allah. C'est le cas dans le premier verset de la sourate Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah unique. On retrouve également cette racine dans les dires d'Allah. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Lorsqu'en récitant le Coran, tu évoques ton Seigneur seul, Il me tourne le dos par répulsion. Surat al-Isra, verset 46. On le retrouve également dans ses dires, Azza wa Jal. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Lorsqu'Allah est mentionné seul, les cœurs de ceux qui n'apportent pas foi en l'au-delà se crispent. Mais lorsqu'autre que lui est évoqué, les voilà qui se réjouissent. Surat al-Zumar, verset 45. De même que dans le verset suivant, ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Il en est ainsi que lorsqu'Allah est invoqué seul, vous n'apportez pas foi, alors que vous le faites lorsqu'on lui attribue des associés. Le jugement appartient à Allah, le très haut, le très grand. Surat Ghafir, verset numéro 12. On remarque dans ces quelques versets que même si le terme At-Tawhid n'est pas formellement cité, c'est-à-dire en tant que substantif, nous y trouvons d'autres mots ayant la même racine, tels que Ahad et Wahdahu. Quant au sens du mot At-Tawhid, donc le monothéisme, l'adoration exclusive, il est plus que jamais présent dans le Coran. Allah a dit, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'allakum tattaqoun. Ô gens, adorez votre Seigneur, souverain, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin de le craindre piètement. Surat al-Baqarah, verset numéro 21. En expliquant ce verset, l'imam al-Baghawi, grand savant du 7e siècle de l'Égypte, décédé au début du 6e en l'an 510, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné qu'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit, chaque fois que l'adoration, al-ibadah, est mentionnée dans le Coran, et vous vous souvenez certainement du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset que vous venez d'entendre, Ya ayyuhan nas u'budu, ô gens, adorez, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur souverain. Donc c'est en explication de ce terme-là, sous forme verbale dans le verset, qu'Al-Baghawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a fait mention de cette parole d'Ibn Abbas. Chaque fois que l'adoration, Al-Ibad, est mentionnée dans le Coran, elle a pour sens le monothéisme. Littéralement, l'unification d'Allah, Al-Tawhid. Littéralement, l'unification. Et on peut retrouver cette parole de l'imam al-Baghawi dans son exégèse intitulé Ma'alim al-Tanzil. Notons que le terme arabe désignant l'adoration, c'est quoi ce terme-là? Al-Ibad. Est mentionné ainsi que ses différentes formes conjuguées et déclinées près de 300 fois dans le Coran. Et si tu veux vérifier, tu as la possibilité de compter de toi-même, ou de t'en référer, par exemple, au livre Al-Mu'jam Al-Mufahras, li Al-Fad, Al-Qur'an Al-Karim, de Mohamed Fouad, Abd al-Baqi, en retournant donc à la racine Aïn, Ba, et Dal, étant donné qu'il a référencé les mots contenus dans le Qur'an, selon, à partir de leur racine, et selon leurs différentes déclinaisons et formes conjuguées. Cette parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, nous montre donc que, même si nous ne trouvons pas le terme at-tawhid sous forme de substantif dans le Coran, puisque ces gens jouent sur les mots, at-tawhid, tu ne le trouves pas dans les textes. Ils se sont arrêtés, na'am, au substantif. Et même dans ça, ils ont faux. Mais donc, ils jouent sur les mots, dans le sens où, sous forme de substantif, tu ne le trouves pas. En omettant totalement le fait que son sens est largement présent dans les textes. Et même si nous ne le trouvons pas sous forme de substantif dans le Coran, nous en trouvons largement le sens. Ibn al-Qayyim, décédé en 751 de l'Égypte, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, qu'on peut le trouver dans Madarij al-Salikin. Nous disons de manière générale que tout verset coranique prouve et appelle au monothéisme. Donc littéralement, encore une fois, à l'unification d'Allah, à Tawhid. Et si ce n'était la crainte que vous vous lassiez, à chaque fois que le terme est traduit, je le citerai. At-tawhid, at-tawhid, at-tawhid, at-tawhid. Pour que vous vous rendiez compte de la fausseté des propos de ces gens-là. Rien que dans cette parole d'Ibn al-Qayyim, qui ne fait que quelques lignes, on pourrait le retrouver presque 10 fois. Donc Ibn al-Qayyim de continuer en disant, en effet, le Coran informe au sujet d'Allah de ses noms, attributs et actes. C'est là le monothéisme relatif à la connaissance et à l'affirmation. Le Coran appelle également à l'adoration d'Allah seul, sans associé, et au délaissement de tout ce qui est adoré en dehors de lui. C'est là le monothéisme relatif à l'objectif et au dessein. Le monothéisme, quand on parle de monothéisme, comme l'a fait ici le cheikh de l'islam Ibn al-Qayyim, on peut le catégoriser en 3, comme on l'a vu précédemment. Celui qui est relatif à la seigneurie, celui qui est relatif au droit d'être adoré, et celui qui est relatif aux noms et attributs. Et on peut également le catégoriser en 2, comme l'a fait ici Ibn al-Qayyim, en disant qu'il y a le monothéisme relatif à la connaissance et à l'affirmation, et est inclus dans cela le monothéisme relatif à la seigneurie et le monothéisme relatif au droit d'être adoré. Et deuxièmement, le monothéisme relatif à l'objectif et au dessein. Excusez-moi. Je reviens sur mes propos. Le monothéisme relatif à la connaissance et à l'affirmation, qui inclut le monothéisme relatif à la seigneurie, d'une part, et le monothéisme relatif aux noms et attributs d'une autre. Et deuxièmement, le monothéisme relatif à l'objectif et au dessein, qui quant à lui, correspond au monothéisme relatif à quoi ? Au droit d'être adoré, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que Allah azza wa jal est le seul à mériter l'adoration et que l'on affirme son unicité dans cela et que concrètement, on adore que lui, azza wa jal. Et vous pouvez retrouver ces détails-là dans Ma'arij al-Qaboul, le Hafid al-Hakami, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Nous revenons donc aux paroles d'Ibn al-Qayyim qui a dit « Le Coran contient aussi des ordres et interdictions, sachant qu'il est obligatoire d'obéir à Allah à travers eux. Ce sont là les droits qui découlent du monothéisme, ainsi que ceux qui viennent le parfaire. Le Coran est aussi une démonstration de la manière dont Allah honore ceux qui l'unifient et lui obéissent, que cela soit dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est là la récompense que contient le fait d'adorer exclusivement, littéralement unifié Allah. Il informe également à propos des polythéistes et de ce qu'Allah leur fait subir ici-bas comme tourment avant ce qu'ils rencontreront comme châtiment dans l'au-delà. Tel est le sort de ceux qui ont dérogé au principe du monothéisme. Le Coran traite donc dans son intégralité du monothéisme, des droits et de la récompense qui en découlent, ainsi que du polythéisme, shirk, de ses partisans et de la mauvaise rétribution qui leur est réservée. » Fin de citation. Donc, ce que l'on retient de cette parole d'Ibn al-Qayyim, c'est que tout verset coranique prouve et appelle au monothéisme, au tawhid, et que le Coran traite donc dans son intégralité du monothéisme, al-tawhid, ainsi que du polythéisme, al-shirk. Donc on a parlé ici du Coran. Et on en arrive à la Sunna, qui est la deuxième source, référence religieuse avec le Coran. Et qui renferme plusieurs hadiths mentionnant le terme al-tawhid. En voici quelques-uns. Premièrement, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, lorsqu'il l'envoya au Yémen, radiyallahu anhu, tu vas te présenter à un peuple parmi les gens du livre. que la première des choses à laquelle tu les appelles soit qu'ils adorent exclusivement Allah, littéralement qu'ils unifient Allah. Ila an yuwahhidullah. C'est la forme conjuguée du substantif at-tawhid. Et ce hadith a été recueilli par Al-Bukhari, de même qu'il a été recueilli par Muslim, mais dans d'autres termes, qui ne contiennent pas la mention ici du terme tawhid en tant que tel, qui en contient uniquement le sens. A noter que l'imam Al-Bukhari, décédé en 256 de l'Hégire, a recueilli ce hadith dans le livre du tawhid de son authentique, Sahih Al-Bukhari. Il est composé de différents livres qui eux-mêmes sont composés de différents chapitres. Et parmi ces livres-là, il y a le livre du Tawhid. Et il a recueilli ce hadith dans le livre du Tawhid, de son authentique, sous le chapitre, ce qui est rapporté concernant l'appel que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adressa à sa communauté vers l'adoration exclusive d'Allah l'exalté, littéralement, l'unification d'Allah l'exalté. Tawhidullah. Deuxièmement, d'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est bâti sur 5. L'attestation que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage et le jeûne du Ramadan. Et ce hadith est recueilli par Al-Bukhari. Et dans une version recueillie par Muslim dans son authentique, sur le fait d'adorer exclusivement Allah, littéralement, d'unifier Allah, en yuwahhad Allah, en lieu et place de l'attestation que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On retiendra de ces deux versions, premièrement la présence du terme at-tawhid dans la sunna. Deuxièmement, le fait que l'attestation de foi « La ilaha illallah » nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah et le terme « Tawhid » ont le même sens. D'ailleurs, « La ilaha illallah » est appelé « Kalimat Tawhid » la parole du monothéisme dit « Tawhid ». Quant à l'attestation de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est indissociable de la première attestation, même si elle n'est pas mentionnée. Dans certains textes, tu ne trouves pas la deuxième partie de l'attestation de foi mentionnée, mais uniquement la première. Mais en réalité, la seconde est indissociable de la première, même si elle n'est pas mentionnée, étant donné qu'il n'est possible d'affirmer l'unicité d'Allah, d'adorer exclusivement Allah comme il se doit, qu'en suivant le modèle du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, dans sa description du pèlerinage du prophète alayhi salat wa salam, Jabir ibn Abdullah a dit, et c'est un hadith qui est connu, qui est recueilli par Muslim, il a dit, c'est un long hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est alors parmi nous. Le Coran descend sur lui et il en connaît l'explication. Et il n'en a pas appliqué un seul enseignement sans que nous ne l'appliquions. Il entra alors en état de sacralisation par la formule du monothéisme. Littéralement, de l'unification du tawhid. C'est quoi la formule du monothéisme? Du tawhid, littéralement de l'unification. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika laka. Je réponds à ton appel, oh Allah. Je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel, tu n'as pas d'associé. Je réponds à ton appel. L'ensemble des louanges et des bienfaits te reviennent et t'appartiennent. De même que la royauté absolue, tu n'as pas d'associé. Ce hadith, comme je l'ai précédemment dit, est recueilli par Muslim. Il est recueilli par Muslim. Et nous y trouvons le terme at-tawhid, formellement cité par le compagnon Jabir, radiyallahu anhu. Nous le trouvons également dans une version de ce hadith, recueilli par l'imam Ahmed, décédé en 241 de l'Hégire dans son Musnad. Naam. Et d'ailleurs, l'équipe de vérification d'El Musnad a déclaré sa transmission authentique. Donc nous trouvons également une version de ce hadith recueillie par l'imam Ahmed dans son Musnad, relatant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit deux unités de prière derrière la station d'Ibrahim, Jabir, radiallahu anhu, ajouta, il y récita At-Tawhid. Le prophète, alayhi salatu wa salam, derrière la station d'Ibrahim, récita At-Tawhid et قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Dis, ô vous les mécréants. Notons que l'appellation At-Tawhid désigne ici la sourate Al-Ikhlas. Elle désigne la sourate Al-Ikhlas, qui est consacrée à la description d'Allah. Comme cela apparaît à travers la version de Muslim, dans laquelle il est rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, récitait dans ces deux unités de prière, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. En référence à la sourate Al-Ikhlas. Et قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. En référence à la sourate Al-Kafiroun. Donc ce hadith, il est recueilli par Muslim. Et on s'est basé donc sur sa version, dans un premier temps. Et on trouve cette précision dans la version qui est authentique, recueillie par l'imam Ahmed, rahimahullah. Et on trouve dans la première version, celle de Muslim, qu'en réalité, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, a récité At-Tawhid, ça signifie qu'il a récité Sourate Al-Ikhlas. Et le fait que la Sourate Al-Ikhlas ait été appelée At-Tawhid prouve que ces deux termes étaient considérés tels des synonymes chez les anciens de cette communauté. Cela constitue d'ailleurs une réplique claire à ceux qui cherchent à confronter ces deux mots en prétendant qu'ils s'opposent, ou encore que le terme At-Tawhid ne conférerait aucune éducation à l'âme. Au contraire d'Al-Ikhlas, tu trouves des gens qui, afin de dénigrer le terme At-Tawhid et son utilisation, disent, on ne trouve pas le mot tawhid dans le Coran, car le terme tawhid, il ne confère aucune éducation spirituelle. Allah, il a utilisé le terme al-ikhlas. Et on trouve donc, dans ces hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, le fait indéniable en réalité, clair, sans équivoque. L'équivoque, elle est dans leurs esprits tordus. Qu'en réalité, ces deux termes, ils sont synonymes. Ces deux termes, sont synonymes. Quatrièmement, après Abu Malik al-Ashja'i, décédé en 42 l'Hégire, d'après son père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui adore exclusivement Allah, littéralement unifie Allah, yuwahidullah, et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors de lui, ses biens et son sang sont sacrés et son jugement revient à Allah. Et ce hadith a été recueilli par Muslim, de même que par Ahmed. Cinquièmement, d'après Amr ibn Shu'aib, décédé en 118 de l'Hégire, d'après son père, d'après son grand-père, Al-As ibn Wa'il avait fait le serment à l'époque d'ignorance pré-islamique, Al-Jahiliya, de sacrifier 100 chameaux. Hisham ibn Al-As en sacrifia 50 au nom de son père. Au nom de son père. Amr ibn Al-As questionna le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet des 50 restants. Amr ibn al-As, il a questionné donc le prophète alayhi salatu wa sallam à propos des 50 restants que son frère Hisham n'avait pas sacrifiés. Le prophète alayhi salatu wa sallam répondit, concernant ton père, c'est-à-dire al-As ibn Wa'il, que tu jeûnes et fasses des aumônes en sa faveur, lui aurait été profitable si toutefois il avait adhéré au monothéisme, At-Tawhid. Donc tu retrouves à nouveau ici le terme At-Tawhid en tant que substantif. Et ce hadith a été recueilli par Ahmed. Le Cheikh Al-Albani a déclaré sa transmission authentique dans Silsilat Al-Ahadith As-Sahiha. Sixièmement, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, Aisha radiallahu anha a dit, à l'occasion du sacrifice, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam achetait deux grands et gros béliers, cornus, bigarrés et castrés. Il dit, il égorgeait l'un d'eux pour les membres de sa communauté qui adhéraient au monothéisme, al-tawhid, littéralement donc à l'unification, et l'autre pour Muhammad et sa famille. On retrouve à nouveau donc ici le terme al-tawhid en tant que substantif. Septièmement, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, il fut un homme du temps des générations qui vous ont précédé, qui n'avait à son actif aucune œuvre de bien si ce n'est le monothéisme, littéralement l'unification, al-tawhid. Lorsqu'il fut sur le point de mourir, il dit à sa famille, lorsque je mourrai, brûlez mon corps jusqu'à ce qu'il soit carbonisé, puis réduisez-le en cendres, et enfin éparpillez-les un jour de vent. Le jour où il mourut, ils s'exécutèrent. Puis alors qu'il se trouva empoigné par Allah, Allah lui dit, enfant d'Adam, qu'est-ce qui t'a conduit à faire cela? Ô Seigneur, c'est la peur que j'ai de toi, répondit-il. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, c'est de ce fait qu'il fut, ou qu'il lui pardonna, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla lui pardonna, alors qu'il n'avait comme œuvre à son actif que le monothéisme. Le tawhid, littéralement l'unification. Et ce hadith a également été recueilli par Ahmed dans son Musnad, et le Cheikh Al-Albani a authentifié sa transmission également dans Silsilat al-Ahadith as-Sahiha. Le terme al-tawhid et ses dérivés étant présents dans les textes du Coran et de la Sunna, il est tout à fait naturel de les retrouver dans les paroles rapportées des anciens de cette communauté à leur tête, ces trois premières générations. D'ailleurs, nous avons déjà pu constater ce fait à travers les quelques narrations précédemment citées et rapportées de certains compagnons, ainsi qu'à travers les propos de l'imam al-Bukhari, décédé, comme vous en souvenez certainement, en l'an 256 de l'Hégire. Parmi les quelques paroles de compagnons, radiallahu anhum, que l'on peut trouver sur le sujet, premièrement, la parole de Khalid ibn al-Walid, qui est décédé en l'an 21 de l'Hégire, et qui a dit avant de mourir, comme on le trouve notamment mentionné dans Sir Alam Nubala du grand érudit al-Zahabi, j'ai certes cherché la mort à ces endroits les plus propices, mais il ne m'a été imparti que de mourir dans mon lit. Et vous connaissez forcément l'esprit guerrier de Khalid. Radiallahu anhu. Continue en disant, il n'est pas de mes œuvres. Et écoute bien cette parole de Khalid ibn al-Walid, et compare là à la parole de ceux qui disent que Tawhid, cette parole-là ne confère aucune éducation. Khalid ibn al-Walid a dit, il n'est pas de mes œuvres une chose qui me fasse le plus espérer, après le monothéisme, Tawhid, l'unification, qu'une nuit durant laquelle j'ai pu veiller en me protégeant avec mon seul bouclier, lors d'une pluie torrentielle, alors que nous attendions l'aube pour fondre sur nos adversaires. A noter qu'il est fait mention dans d'autres ouvrages de référence de l'attestation de foi, la ilaha illallah, au lieu du mot at-tawhid. Cela n'est d'ailleurs qu'une preuve de plus, qu'il revêtent le même sens. Deuxièmement, Ibrahim al-Nakhai, décédé quant à lui en 96 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, que le prieur pointe le doigt dans sa prière est une bonne chose. C'est d'ailleurs là le monothéisme, al-tawhid, encore une fois littéralement l'unification. Par contre, qu'il ne pointe pas ses deux doigts car cela est réprouvé. Et on peut trouver cette parole là dans al-Musannaf de Ibn Abi Shayba. Ce terme a également été utilisé par de nombreux autres ulama, toute époque et école de fiqh confondues. On peut citer à titre d'exemple, sans viser l'exhaustivité, yarhamukallah, Abu Yusuf al-Kufi, décédé en 182 de l'Hégire, un compagnon d'Abu Hanifa, qu'Allah leur fasse miséricorde. L'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, décédé en 204 de l'Hégire, qui a dit, chercher le superflu de la vie d'ici-bas est une punition qu'Allah inflige aux adeptes du monothéisme al-Tawhid. On peut trouver cette parole dans Tahdhib al-Asma wal-Lughat d'An-Nawawi. Ahmed ibn Hanbal, décédé en 241 de l'Hégire, plusieurs de ses élèves ont rapporté de lui qu'il a dit, la caractéristique du croyant parmi les adeptes de la Sunna et du groupe uni sur la vérité est qu'il atteste que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, seul sans associé, et que Mohammed est son serviteur et messager. Jusqu'à avoir dit, les salat wa salam, de plus, donc en parlant du croyant, ce qui parle de la caractéristique du croyant parmi les adeptes de la Sunna et du groupe uni sur la vérité. De plus, il ne statue de la mécréance d'aucun adepte du monothéisme al-tawhid, encore une fois littéralement l'unification, à cause d'un péché. On peut trouver cette parole-là dans Tabaqat al-Hanabila, d'Ibn Abi Ya'la. Al-Bukhari, décédé en 256, dans son recueil authentique de hadith, comme nous l'avons vu précédemment. Al-Muzani, décédé en 264, comme cela a été rapporté par Al-Dhahabi, dans Al-Ulu, l'Al-Ali, Al-Ghaffar. Uthman al-Darimi, décédé en 280 dans sa réplique à Bishr. Al-Mirrisi, Ibn al-Jarud, décédé en 307 dans Al-Muntaqa. Ibn Jarir al-Tabari, décédé en 310 dans Tarikh Al-Rusul wal-Muluk. Al-Rusuli wal-Muluk. Ibn Khuzayma, décédé en 311 dans Kitab al-Tawhid. Abu Ja'far al-Tahawi, décédé en 321 dans Al-Aqida al-Tahawiyya. Al-Azhari, grand linguiste d'ailleurs, décédé en 370 dans Tahdhib al-Lugha. Ibn Battah, décédé en 387 dans Al-Ibana al-Kubra ainsi que dans Al-Sughra. Ibn Manda, décédé en 395 dans Kitab al-Tawhid. Al-Lalaka'i, décédé en 418 dans Sharh Usul i'tiqad al-Sunna wal-Jama'a. Ibn Battal, décédé en 449 dans son commentaire de l'authentique d'Al-Bukhari. Al-Bayhaqi, décédé en 458 dans Shu'ab al-Iman. Al-Khatib al-Baghdadi, décédé en 463 dans Tarikh Baghdad. Al-Baghawi, décédé en 510 dans son tafsir et dans son exégèse. Ma'alim al-Tanzil, que nous avons cité précédemment. Ibn al-Athir, grand historien, décédé en 630 dans Usd al-Ghaba. Al-Nawawi, décédé en 676 dans son commentaire de l'authentique de Muslim. Ibn Mandour, grand linguiste. Si je dis à chaque fois grand linguiste, en réalité ce sont tous des linguistes, mais eux ils sont précis, ils étaient spécialisés dans la connaissance de la langue arabe. C'est pour vous montrer la nullité des propos de ceux qui te disent que le terme tawhid signifierait de considérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit à la base éparpillé, que ce serait là une forme de blasphème. Donc Ibn Mandour l'a également utilisé dans l'Isan al-Arab, dictionnaire référence, au même titre que Tahdhib al-Lugha et que d'autres dictionnaires que l'on mentionne au gré de ce bref exposé. Donc Ibn Mandour, décédé en 711 de l'Hégire dans l'Isan al-Arab. Ibn Taymiyyah, décédé en 728 dans plusieurs de ses ouvrages. Ibn Abdel Hadi, décédé en 744 dans Ansarim al-Munki. Al-Dhahabi, décédé en 748 dans plusieurs de ses livres. Ibn al-Qayyim, 751. Ibn Kathir, décédé en 774 dans Tafsir al-Qur'an al-Azim et dans d'autres de ses livres. Ibn Abil Iz, décédé en 792 dans son commentaire d'At-Tahawiyya. Ibn Rajab, décédé en 795 dans Fath al-Bari. Ibn Khaldoun, décédé en 808 dans Tarikh Ibn Khaldoun. Al-Maqrizi, décédé en 845 dans son livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Ibn Hajar, décédé en 852 dans Fath al-Bari et d'autres livres. Al-Sakhawi, décédé en 902 dans Ad-Dawa al-Lami' al-Suyuti, décédé en 911. Dans plusieurs de ses livres, dans ses commentaires de recueils de hadith tels qu'Al-Muwatta de l'Imam Malik, l'Authentique de Muslim, Sunan al-Nasa'i ainsi que Salih ibn Majah. Al-Zarqani, décédé, donc on passe au millénaire qui suit, notre millénaire, 1122 de l'Hégire dans son commentaire d'Al-Muwatta. Al-San'ani, décédé en 1182 dans plusieurs de ses livres. Al-Safarini, décédé en 1188. Ibn Abdel Wahhab, décédé en 1206 dans plusieurs de ses livres. De même que ses fils et descendants jusqu'à nos jours. Al-Shawkani, décédé en 1250 dans plusieurs de ses livres. Al-Azim Abadi Al-Hindi, décédé en 1329, on se rapproche de notre époque, dans Aoun al-Ma'boud, le commentaire des Sunan de Ibn Abi Daoud. Ibn Badis Al-Jazairi, décédé en 1359 dans Al-Aqaid Al-Islamiyya. Al-Mili Al-Jazairi, décédé en 1364 dans son livre Al-Shirk. Wamadahiruhu Ibn Sa'di, décédé en 1376, dans plusieurs de ses ouvrages. Hafid al-Hakami, décédé un an plus tard, en 1377, dans plusieurs de ses ouvrages. Muhammad Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi, décédé en 1407, dans plusieurs de ses livres. Cette liste est loin d'être exhaustive. Je n'y ai volontairement pas mentionné les noms des ulama contemporains. Qu'Allah fasse miséricorde aux vivants et aux morts parmi eux, car ils sont très nombreux et connus. Enfin, on se sera certainement rendu compte au fil de ce bref exposé, de sa lecture et de son écoute, que le monothéisme, al-tawhid, donc littéralement l'unification, est un principe religieux dont le sens et les termes sont présents dans les textes des deux révélations, le Coran et la Sunna, et qu'il n'est en rien une invention. C'est pour cela que depuis l'avènement de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à nos jours, les ulama musulmans n'ont cessé de l'utiliser et d'y faire référence sans qu'aucun d'entre eux n'y voit le moindre inconvénient. Et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il rende ce bref et modeste exposé profitable au lecteur et qu'il en fasse une bonne action dans la balance de celui qui l'a écrit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde ses éloges et le salut à son messager, sa famille et l'ensemble de ses compagnons et ceux qui les auront suivis fidèlement jusqu'au jour de la résurrection. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.